الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، هذه وقفة مع ممارسة خاطئة وعادة سيئة وفعلة آثمة وقع فيها كثير من الناس، أضرت بأبدانه وأتلفت أمواله وأثرت على صحته وأبدانه وعقوله، بل على على أديانه وأفكاره. ولا يزال مع تتابع الأيام والشهور والأعوام وهم يشاهدون أضرار تلو الأضرار، مسرين على ممارستها بسبب الإدمان. الحديث يا عباد الله عن التدخين وعن التدخين، وما أدراك ما التدخين؟ سم خبيث ورائحة كريهة ومرض فتاك، وكم من الناس ماتوا بسبب الدخان. عباد الله، إن منة الله عز وجل علينا بهذا الدين عظيم، عظيمة مباركة، به أحل علينا الطيبات وحرم علينا الخبائث. عباد الله، هذا الدين دين الله رب العالمين، دين جاء لحفظ الأديان والعقول والأبدان والأموال، والتدخين مضر بهذه الأمور كلها. وبهذه الكلمة تنبيه للغافلين وتعليم للجاهلين، لأن هذه الأمة، لأن في هذه الأمة فشت ما انتشر في غيرها من الأمم. هذه الآفة انتشرت في أوساط المسلمين، ما سلم منها الكبير ولا الصغير، الرجال بل حتى النساء، والله المستعان. قال الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بلا شك، بل بشهادة المدخنين، خبيث وليس بطيب. فمن تأمل هذا الدين العظيم ودعا إلى الشريعة من الكتاب والسنة، من الكتاب ومن السنة، لا يشك بأن التدخين محرم. فعلى جميع المدخنين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن التدخين وأسباب طاعته. الدخان يا عباد الله قاتل للنفوس قتلا بطيئا ومتدرجا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا شك أن المدخن، ولا شك أيها المدخن أنك ملقي نفسك إلى التهلكة. إلى التهلكة في صحتك وفي مالك وفي أهلك وفي أولادك، بل ما سلم منك المجتمع. ومن قواعد الشرع العظيم الحكيم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الدخان يتنافى كل التنافي مع هذه القاعدة العظيمة ومع هذا الحديث النبوي على صاحب الصلاة والسلام، بل هو مضر بذلك كله. ولما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا في الخمر، أما في التدخين لا خير أصلا، لا نفع فيه مطلقا، بل هو ضرر كله. عباد الله، التدخين إضاعة للأموال، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في المنهية وإضاعة المال، حرم في ديننا إضاعة المال. وقد حاسبوا على المدخنين أنهم ينفقون سنويا تقريبا 1,000,000,000 وفي نهاية حياتهم إن عاشوا إلى 60 ف60,000,000,000. كل هذا إنفاقا في الحرام والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، ومن هذه الأمور: وعن ماله، من أين اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فماذا هو قائل من أنفق ماله؟ فماذا هو قائل المدخن الذي أنفق ماله في شراء الشجار والعياذ بالله؟ فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إليه، وأن نتخلص من هذه الخبائث التي أضرت بالأموال والعقول، بل بالأولاد في البيوت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قرر الأطباء النصحاء بأن التدخين ضرر على الصحة كلها، على الفم وعلى الحنجر وعلى الرئة وعلى الدم إلى غير ذلك يا عباد الله. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق إخواننا من المدخنين إلى البعد عن التدخين، وأن يوفقهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد، nous allons nous rappeler aujourd'hui une pratique des plus mauvaises, une action interdite en islam, bien que beaucoup parmi les hommes sont addicts à cette pratique, et désormais beaucoup de jeunes et même des femmes, et dans certains endroits même des enfants, qu'Allah nous en préserve. Cette pratique est très nocive, que ce soit pour le corps, que ce soit pour l'argent et les biens, que ce soit pour la santé et la raison, et même la manière de penser. Et ils ne cessent de la pratiquer jour après jour, semaine après semaine, année après année, même après en avoir vu les effets les plus destructeurs. Cette pratique, mes chers frères, c'est la cigarette. C'est la cigarette, le fait de fumer. Le nombre ne cesse d'augmenter. Et jadis, c'était une pratique majoritairement masculine, mais désormais même les femmes se mettent à fumer et ont rattrapé le nombre d'hommes ou sont proches de cela. Cette cigarette qui amène de multiples maladies, sans compter avec son odeur nauséabonde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier nous a transmis cette religion parfaite et complète. Et parmi les buts de cette religion, préserver le fils de Adam dans sa religion, dans sa santé, dans son argent, dans ses biens, dans sa famille et dans son honneur. Et la cigarette, entache tout cela. Donc voici un rappel que j'adresse à toute personne éprouvée par la cigarette ou qui témoigne de cela autour d'eux. Afin que l'on sorte de cette distraction et afin qu'on soit mieux éveillé. Et on espère en Allah tabaraka wa ta'ala avec cela la guidée de nos frères et sœurs. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il nous est venu, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, selon la traduction, il vous rend licite les bonnes choses et illicite les mauvaises choses, comme dans surat al-A'raf. Et sans aucun doute, la cigarette est une mauvaise chose. Et ceux qui débattent et essayent de trouver des arguments pour dire que ça n'est pas un mal, lorsque tu leur dis « Est-ce que tu voudrais cela pour ton fils ?» ils disent non. Donc si c'est un mal pour ceux que tu aimes le plus, comment cela pourrait être un bien pour ta personne? Ces mêmes personnes qui fument témoignent eux-mêmes du supplice qu'ils vivent au quotidien lorsqu'ils essayent de s'en éloigner. Et celui qui médite cette noble religion verra que l'islam proscrit, interdit et oblige à s'éloigner de la cigarette afin de préserver le fils de Adam, afin de te préserver toi-même au serviteur d'Allah. La cigarette est un suicide en réalité. C'est un suicide qui a lieu au fil des jours et des années. Et des maladies, des plus meurtrières, sont dues à la cigarette. Et sachez que la cigarette tue par jour et par an plus de personnes que ne le fait le sida et la tuberculose réunies. Donc c'est une maladie, c'est une chose qui apporte de nombreuses maladies des plus meurtrières. Et Allah nous dit dans le Coran, et ne vous tuez pas vous-même, il est certes, Allah est envers vous, miséricordieux. Et celui qui fume, en connaissance de cause, s'adonne à cela. Et désormais, ils ont écrit sur leur paquet de cigarettes qu'ils vendent eux-mêmes, fumez tu. Allah musta'an. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans son livre selon la traduction dans surat al-Baqara, et ne vous poussez pas avec vos propres mains dans la destruction et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Et il n'y a aucun doute sur le fait que celui qui fume court à sa perte, et cela par la cause de ses propres mains, que ce soit dans sa santé, que ce soit dans son argent, dans son corps et sa raison. Mais même ses enfants n'ont pas été à l'abri. Même son épouse n'a pas été à l'abri. Car certains sont arrivés à un point tel qu'ils ne sortent pas de chez eux pour fumer, ni ne se cachent de ses propres enfants. Et parmi les grandes règles de la religion, ce hadith que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, cité dans l'Arba'in al-Nawawiya, la darara wa la dirara. Tu n'as pas le droit de nuire et tu ne dois pas recevoir de nuisance. Quant au fait de fumer, sans aucun doute. Ça vient à l'encontre de cette grande règle de la religion transmise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Allah azza wa jal a interdit l'alcool, la consommation du vin, il nous a dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction, et le mal contenu est plus grand que le bien. C'est-à-dire, dans la consommation d'alcool, il y a bien plus de mal que de bien. Qu'en est-il alors de la cigarette qui ne contient aucun bien, mais qui ne vise qu'à détruire la personne, ses proches et son argent? Le fait de fumer entre dans le gaspillage de l'argent et la dilapidation des biens. Par année, en moyenne, celui qui fume dépense 1000 euros. Donc, s'il vit jusqu'à 60 ans ou jusqu'à 70 ans, il aura dépensé environ 45 000 euros ou bien 40 000 euros. Et pour ceux qui vivront plus longtemps que cela, 60 000 euros dans quoi? Est-ce que c'est dans la construction d'une mosquée? Est-ce que c'est dans la dépense pour ses parents, pour les pauvres et les orphelins? Non. Mais pour prendre un cancer ou le donner à d'autres, et pour renforcer les puissances économiques desquelles tu ne tireras aucun profit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le gaspillage dans l'argent. Et il nous dit dans le Coran, sur la traduction, dans la sourate Isra, certes les gaspilleurs sont les frères des shayatins, les frères des diables. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que le fils de Adam ne sortira pas de la place du jour de la résurrection sans avoir été questionné sur 5 choses. Parmi ces 5 choses, chers frères, sur lesquelles tu seras questionné à mon qiyam, ton argent, d'où vient-il? Comment est-ce que tu l'as gagné? Comment est-ce que tu l'as obtenu? Et deuxième chose, dans quoi est-ce que tu l'as dépensé? Que répondra le fumeur? Que répondra le fumeur de Malkiyam? Dans quoi est-ce que tu as dépensé ton argent? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aussi, il nous incombe à tous de préserver notre religion, notre santé, notre argent et nos familles, car c'est l'aman, c'est un défaut qu'Allah Azza wa Jal nous a confié sur cela. Nous serons interrogés à Malkiyam. Et les médecins de confiance ont ou bien disent que la cigarette est la cause de nombreuses maladies, de nombreux cancers, comme le cancer de la bouche, de la trachée, des poumons, du sang et même de la vessie et d'autres maladies encore. Donc nous conseillons sincèrement toute personne qui s'adonne à cette pratique meurtrière de rechercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal afin de pouvoir s'en débarrasser. Certaines personnes disent, c'est trop tard pour moi, je ne peux pas vous arrêter. Subhanallah. As-Sahaba radiallahu anhu consommait du vin et c'était licite à la époque. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset sur l'interdiction du vin, ils se sont immédiatement soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, car ils avaient une foi forte et ils ont placé leur confiance en lui, ils l'ont invoqué, ont cherché le refuge auprès de lui. Donc celui qui veut réellement délaisser cette mauvaise chose, qu'il recherche l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Allah tabaraka wa ta'ala promet dans le Coran de venir en aide à toute personne l'invoquant. Il nous faut, nous aussi, invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur afin qu'il les préserve, les éloigne de la cigarette et qu'il les renforce afin qu'ils puissent ne plus jamais y retourner. Et parmi le mal qu'il y a dans le fait de fumer, le fait que ça t'éloigne des assises pieuses, de la fréquentation des gens de bien, car tu ne peux te retenir de fumer, alors tu ne viens pas dans les assises de science, alors tu ne viens pas à la mosquée car tu as honte de l'odeur. Naam, ça n'est pas l'assise de science ni la mosquée que tu dois délaisser, mais c'est plutôt la cigarette. Et celui qui fume sera amené à entrer dans les endroits de malédiction, dans les endroits où il y a du mal. Il sera amené à fréquenter ces gens de mal. Et donc, par conséquent, à s'éloigner des gens de bien, des assises, des gens du bien. Pendant le mois de Ramadan, certaines personnes souffrent tellement que pour elles, le jeûne du mois de Ramadan est un supplice, alors que c'est le délice et le bonheur des gens pieux. La dernière chose qu'il fait, avant de commencer son jeûne, c'est de fumer une cigarette. Iyadun billah. La première chose par laquelle il commence, lors du coucher du soleil, alors que les gens coupent leur jeûne avec des dates, prêche comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, eux fument une cigarette. Peut-être même à la porte de la mosquée. Wa inna lillahi wa inna raji'un. Ne savez-vous pas que cela nuit aux anges d'Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant des choses licites, comme l'oignon, l'ail et le poireau, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a mangé de ces trois choses n'approche pas notre mosquée. Car ça laisse une odeur dans la bouche. Alors tu ne viens pas à la mosquée si tu as mangé de l'oignon ou de l'ail. Et ces choses-là sont licites. Que dire alors de celui qui fume? Et ceci est muharra. Ceci est interdit. Wallahu musta'an. Beaucoup parmi les fumeurs, la cause en est leur propre parole. Ils les ont vu fumer, donc ont banalisé cela. Leurs parents seront responsables chez Allah tabaraka wa ta'ala de cette action-là. Aussi, le fait de vendre des cigarettes est un travail illicite. Le fait d'en acheter est illicite. Le fait d'aller acheter des cigarettes pour autrui est illicite. Si on t'envoie acheter des cigarettes, quelle que soit la personne, on refuse par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cette personne est la plus proche de toi et qu'elle a autorité sur toi, tu n'as pas le droit d'aller l'aider à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ta'awam al-ithm wal-udwan. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Ne vous entraînez pas dans le péché ainsi que la transgression. Et pour finir, quelques chiffres et quelques statistiques. Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année. Chaque année, le tabagisme tue près de 6 millions de personnes, c'est-à-dire dans le monde. En France, il est responsable de 90% des cancers du poumon. Et chaque jour, il y a 200 morts par cette cause. 200 morts, c'est-à-dire en France. Et un tiers des adultes fument. 33% des cancers sont dus au tabac. Est-ce qu'après avoir entendu tout cela, tu ne vas pas faire les efforts, ya Abdallah, pour te préserver, pour préserver ta religion, ta famille, tes biens et tes proches? Il provoque des cancers, comme je l'ai dit, du poumon, de la vessie. Il provoque également un fractus, iyad al-billah. Wa hafidakumullah, jami'an. Près de 100 000 personnes souffrent de thrombose. C'est des caillots de sang. C'est des caillots dans les veines, naam. Il y a aussi ce qu'on appelle le tabagisme passif. Certaines personnes se font du mal à eux-mêmes, mais elles ignorent qu'elles font du mal à leurs proches. Le tabagisme passif, c'est ceux qui t'entourent et qui ne fument pas. Mais à cause de toi et de la fumée que tu rejettes, ils respirent cela. Ben, sache que c'est très nuisible et nocif également. Chaque année, ça tue environ 5000 personnes. Chaque année, ça tue environ 5000 personnes. Et même des femmes enceintes ne délaissent pas la cigarette. Subhanallah. Alors que même les animaux, les femelles, préservent leur mahda, se préservent durant la gestation. Puis, lorsqu'elles mettent bas, elles préservent leur nouveau-né. Comment toi, qui as le aql, qui as la raison, tu ne préserves pas ce qu'il y a dans ton ventre? Wallahu musta'an. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'éloigner les musulmans et de préserver les musulmans de la consommation des cigarettes. Et un point que j'ai failli oublier, mais qu'Allah Azza wa Jalla m'a facilité à me rappeler, c'est ce qu'on appelle la chicha. J'ignorais totalement cette chose-là et suite à quelques recherches qu'on m'a envoyées, la chicha est encore plus dangereuse que la cigarette. Et certaines personnes disent que c'est pas grave. Pourquoi? Bah, car ils ont été trompés par des arômes. Non, comme s'ils n'avaient pas de raison. Sous prétexte qu'il y a une pomme ou je ne sais quoi d'autre, ils disent que c'est pas grave. Bah, sachez que la chicha, le fait de fumer, si ça se dit ainsi, fumer la chicha est pire et plus dangereux que de fumer la cigarette. Et les faibles d'esprit se laissent tromper par l'arôme. Non, une cinquantaine de bouffées de chicha sont équivalentes à deux paquets de cigarettes fumées. Une cinquantaine de bouffées de chicha consommées en environ une heure sont l'équivalent d'avoir fumé deux paquets de cigarettes. Et ça transmet de nombreuses maladies du fait qu'ils utilisent le même en vous, ça donne des tuberculoses et d'autres types d'hépatites. Donc éloignez-vous de ceci et de cela, de la cigarette et des chichas. Et certaines personnes à qui Allah Azza wa Jalla accorde des richesses, au lieu d'ouvrir des commerces dans le halal, elles ouvrent des centres, ou je ne sais pas comment appeler cela, des endroits où il y a de la chicha. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et éloignez-vous de cela. وإنا لله وإنا راجعون اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعين المدخن على ترك الدخان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.